voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine. Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. La voix du Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence pour vivre pas à pas le changement. Evelyne fait partie de ces citoyennes qui incarnent le changement et la différence. Très vite, Evelyne a été à l'écoute de son être, ce qui l'a amenée à faire. Evelyne construit des carters, une maison en terre, en chambre et en chaux. La voix du Kaizen lui donne la parole. Evelyne, présente-nous l'espace dans lequel nous sommes. Oui. On va commencer par peut-être, donne-moi une dimension visuelle de ce qu'on a autour de nous. Comment est-ce que tu présenterais cet endroit ? Comment je présenterais cet endroit, la maison ou le jardin ou là, l'endroit dans lequel on se retrouve, là, la tout maison. De suite, maintenant. Et ben voilà, c'est rond et c'est bon. C'est juste, voilà, c'est un lieu vraiment agréable à vivre, quoi. Donc c'est rond, c'est bien et c'est juste tout écologique, ça respire parce que c'est du chanvre et de la chaux. Et donc c'est des murs respirants, il n'y a pas d'arbres morts pour le faire parce qu'il n'y a aucun bois. Et il y a du chanvre et de la chaux, voilà. Quelqu'un avant dans la visite disait, c'est rond aussi, cette réflexion, on l'a vu. Et pourquoi cette forme ? Est-ce que c'est prémédité ? Qu'est-ce que tu vois derrière le rond ? Bah, le rond, c'est la solidité. Sur les clés de voûte, tu tiens une cathédrale. Donc c'est juste la logique de construction, c'est pas carré. Pour moi, c'est la rondeur fait que c'est solide. Parce que sur chaque millimètre, tu as le poids qui est réparti. Alors que sur du carré, bah, c'est pas du tout pareil, quoi. Moi, je fais très simplement un grand cercle et puis voilà. Evelyne, donc si tu devais te présenter, qui est Evelyne ? On va dire que je suis une chercheuse en abondance. C'est l'abondance des biens de la nature qui nous donne tout ce qu'on a besoin pour la plupart des choses. Et voilà, l'eau, elle pleut sur ta tête, tu as juste à t'en servir. Le bois mort, il est donné par les arbres, tu as juste à te chauffer. C'est assez simple. Donc l'idée, c'est de revivre l'abondance. Mais une abondance nouvelle. Et je pense que c'est une des pistes du changement humain, ça va être de revenir à cette abondance et cette bonification de lieu. Donc l'idée de base, c'est de, parce que je suis là, ce terrain est beaucoup plus beau, beaucoup plus fructueux, beaucoup plus abondant aussi. Et comme il est abondant, je vis dans l'abondance. Et ça fait 20 ans que tu es dans cette dynamique de l'abondance, que tu habites ici sur ce terrain. Est-ce que tu peux revenir 20 ans en arrière? Et pourquoi est-ce que tu as choisi ce modèle, ce mode de vie? Pourquoi est-ce que tu es allé vers ça et pas vers une autre forme d'abondance? Vers une autre forme d'abondance? Ben voilà, ça c'est aussi ma première démarche il y a 20 ans, c'était avoir abondance de temps. Parce que le temps, il est abondant, il est là, il y a tout le temps du temps. Et tout le monde dit « j'ai pas le temps ». Donc peut-être que l'idée de base c'était ça. Donc j'ai choisi d'avoir beaucoup de temps, donc d'avoir du temps avec mes enfants, de travailler moins et d'avoir moins de factures, de toutes ces choses qui vont avec ça, moins de ménage, moins tout ça. Et petit à petit, je suis arrivée au carter parce que tout simplement, je voulais jouer avec mes enfants. C'était plus... Voilà, c'était un peu ça la démarche de base, d'avoir du temps et d'arrêter de courir après ce temps comme beaucoup de gens font, quoi. Le modèle qu'on nous impose aujourd'hui, c'est quand même ça, c'est ce développement économique, ce développement matériel. On ne nous parle pas de ce rapport au temps, au contraire, on a mis cette phrase qui est horrible, le temps c'est de l'argent. Ben voilà, c'est juste arrêter la machine infernale qui te fait tourner à toute vitesse, et puis tourner, c'est une autre petite roue qui tourne à côté, tout doucement, tranquillement, avec des choix permanents. C'est-à-dire, moi j'étais à la chasse aux habitudes. Donc on a des habitudes de fonctionnement, de ménage, de maison. Dans toutes nos habitudes, il y a des choses qu'on peut élaguer et mettre de nouvelles habitudes qui sont beaucoup plus agréables. Tu vois, là j'ai fait le ménage, mais j'ai apporté des plantes au lieu de passer l'aspirateur. C'est pas tout à fait pareil. C'est vrai que dans la dimension visuelle qu'on a essayé d'aborder un peu au début, c'est très rond, mais on est aussi sur donc une carter. On parlera de la construction plus tard et le sol est complètement végétal. Hein. C'est voilà. Vrai que... Les fougères sont venues toutes seules, je n'ai pas été à la jardinerie. Elles ont poussé d'elles-mêmes. Il y a les tomates qui poussent là dans les fougères. Là, ce matin, j'ai cueilli la tanaisie parce que ça sent bon, parce que c'est beau. Je suis en train de faire des essais de tapis avec des feuilles de vigne. Il y a le tapis de chanvre, etc. Voilà, c'est une autre idée de l'habitat. Et c'est surtout, on reste en contact avec la terre directement. Et voilà, je dors sur la terre en direct. Et je pense que j'ai eu de plus en plus de temps, donc j'ai été de plus en plus paisible, mais j'ai aussi de plus en plus d'énergie parce que j'ai retrouvé le contact avec les éléments qu'on a perdu beaucoup. Donc je suis, tu vois, là, il y a la terre, il y a le feu, il y a l'eau, il y a l'air, et on n'est plus tellement en contact avec ça dans son studio, dans un appartement ou ailleurs. L'eau, elle est au robinet, tout enfermé, etc. C'est plus. Voilà, il y a quelque chose dans l'énergie de revenir avec la nature. Ça, c'est aussi l'abondance. L'abondance d'énergie. Toi, pourquoi est-ce que tu as, il y a 20 ans, fait ce choix-là? Parce que tu aurais très bien pu suivre la route toute tracée qu'on nous montre. Comment est-ce que tu expliques que certaines personnes, dont toi, d'autres aussi, hein, mais ben non, refusent de rentrer dans ce moule? Parce qu'on est à l'époque de devoir faire ça, et peut-être j'étais un petit peu en avance, mais là, tous les 20-30 ans, ils vont le faire. Ça me semble. Enfin, énormément de gens cherchent et on sont en train de trouver un retour vers vers, je sais pas, ces éléments naturels qui sont tout simplement. C'est simple en fait, je sais pas comment te dire, c'est juste, tu le fais parce que tu dois le faire et puis c'est tout. C'est pas. Parce que c'est l'évidence de vie et parce que. Tu disais hors micro, le mot alternatif, on parlait des réseaux alternatifs, hein, donc il y a 20 ans c'était difficile d'en trouver. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, donc tu sens vraiment une évolution. Est-ce que tu as l'impression que les gens sont dans cette ouverture, ont cette envie de changement, de vivre autrement, de reconnexion? J'ai envie de le croire. Je vois beaucoup, beaucoup de lieux qui s'allument et puis qui s'éteignent. Je pense qu'il y a un gros travail à faire sur l'écologie relationnelle et c'est le travail peut-être qu'on oublie de faire. Et l'écologie relationnelle, ça ne veut pas dire être toujours gentil, être toujours d'accord. Et je crois que beaucoup de gens s'assemblent en ce moment en espérant qu'il va y avoir beaucoup d'amour, beaucoup de. Etc. Là, je parle peut-être un peu fort, mais il est peut-être temps de se dire. On va se rencontrer et ça va être parfois très fort et parfois très dur, mais c'est là qu'on va s'aimer vraiment. Et j'espère que les lieux alternatifs vont comprendre ça vraiment, parce que quand ça vibre, c'est le moment d'aller plus loin et de se rencontrer. Voilà, c'est ce que j'appelle un peu l'écologie relationnelle. Et c'est pas de. On a mis non sur la violence, on a mis des mots comme ça qui sont un peu. C'est très dommage. La violence existe, la puissance existe, l'énergie qui vibre entre les gens, ou parfois ça se passe pas bien. C'est le moment d'aller plus loin et de travailler sur nous, quoi. Et je pense que si on fait pas ça, on fera pas l'écologie avec la planète, si on fait pas l'écologie entre les humains. C'est-à-dire que si tu es pas d'accord et que tu acceptes un peu, mais être content d'être pas d'accord, se dire là on n'est pas d'accord et vraiment parlons pour trouver. Quelque chose de nouveau qui va apparaître entre les deux. C'est-à-dire, là, je fais des gestes, tant pis pour la radio. Un content d'être pas d'accord et un content d'être pas d'accord. Quand ils sont à se parler vraiment, alors il sort une nouvelle idée. Alors que deux pas contents d'être pas d'accord, alors ça fait un gros plouf. Voilà. Et être content d'être pas d'accord, ça veut dire qu'on va associer nos vérités différentes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ta vérité et la mienne, c'est pas la même. Et s'il y a un moment, ça vibre parce que c'est pas pareil, ça devient très intéressant. Ou alors, ça casse tout. Ouais, donc c'est en fait être dans la Gros sujet. complémentarité, pas dans la compétitivité. T'es pas d'accord, je suis pas d'accord, on se tourne le dos, chacun va de son côté, Exactement. Et quoi. ben, quand les lieux alternatifs vont faire ça, ils vont, ça va moins galérer, pas, parce qu'il y a vraiment des difficultés de se rencontrer et d'être ensemble. Vous écoutez La Voix du Kaizen. Evelyne, donc on est chez toi, dans une carter. Donc présente-moi un petit peu bah, la carter. D'ailleurs, pourquoi la carter? Parce que Caire, en Bretagne, on voit Caire partout, ça veut dire chez ou la maison. Et terre, donc c'est chez la terre. Et j'ai bien aimé mettre le breton et le français ensemble, puisqu'ils se sont fait la guerre un petit peu. Donc carter, c'est. Et puis c'est un mot qui parle. Il y a beaucoup d'air aussi dedans. Je pense qu'on n'est pas tous maîtres de l'air actuellement, et il y a quelque chose à faire là-dessus aussi. Voilà, carter, c'est chez la terre, avec la terre, ou la maison de la terre, c'est comme on veut. C'est un habitat que tu as complètement créé ou inventé, imaginé. Pourquoi une carter? Pourquoi pas une yourte, une maison en terre paille? Enfin, il y a tellement d'habitats différents. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as voulu créer cette forme-là? Je dirais que la yourte, elle consomme beaucoup de bois encore. Moi, je voulais un habitat pas démontable parce qu'on est beaucoup, il y a beaucoup de bougistes en ce moment, des gens qui se promènent partout, donc ils sont nomades. Pourquoi pas? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de redevenir un peu nomades et qui ont Bougiste, bouger. besoin, voilà, de bouger. C'est un psychologue dernièrement qui a inventé ce mot, les bougistes. Il y a beaucoup de bougistes. Moi, je vois des bougistes qui viennent ici, beaucoup, beaucoup. Et des gens qui bougent, mais qui n'ont pas d'ancrage, quoi. Mais c'est peut-être bien, j'en sais rien. Cette société est en train de changer sur ça. Et donc, les bougistes ont besoin peut-être de la yourte et tout ça, mais pour se déplacer. Mais moi, l'idée, c'était d'avoir des lieux où on s'ancre et des lieux où on rend l'abondance, etc. Et donc, la carter, c'est plutôt quelque chose de bien solide et isolant. et donc ils consomment moins de bois. Moi, je chauffe au bois mort avec très peu de bois et il fait très chaud, quoi. Parce qu'il n'y a aussi pas de prise au vent, puisqu'il n'y a pas de vent qui passe entre les différents matériaux, parce qu'il n'y a qu'un seul matériau. Donc il y a abondance de chaleur. La première, là, la plus vieille qui est là-bas au fond, elle a 17 ans. Et elle est super solide, elle a carbonaté, c'est-à-dire elle est redevenue de la pierre. Et elle prouve que c'est sur du long terme, ça va être très très solide, quoi. Et on peut danser dessus, elle est super solide et elle n'a pas un seul morceau de bois. Donc j'ai pas d'entretien des bois, de peinture, de tout ça. J'ai rien à faire, elle est devenue une pierre. Donc là, dans la structure de l'habitat dans lequel on est, c'est de la paille ou plutôt du chanvre. Donc c'est que chanvre et chaux, uniquement ça, et du coup c'est un matériau qui respire. En fait, je reviens un peu aux besoins primaires de l'homme. Donc, je crois que c'est quoi? Tu as ce besoin de se nourrir, de dormir, hein, de se sentir en sécurité, donc d'avoir un chez-soi, de se construire un habitat. L'habitat, tu te l'es construit. Dormir, tu le fais à même le sol. Comment est-ce que tu te nourris? Moi, je mange beaucoup les plantes sauvages. Je mange peu aussi, parce que justement, parce que je dors sur la terre, parce que je vis avec les éléments. Donc, j'ai pas besoin de tous les compléments alimentaires, toutes ces choses, parce que c'est comme on peut pas comprendre. Je pense qu'il faut entrer dedans pour comprendre. Petit à petit, on mange moins. Petit à petit, on mange différemment. Moi, je mange, voilà, je connais toutes les plantes sauvages, mes filles aussi. Il y a quelque chose où ça devient l'évidence. C'est comme si tu mettais le pied dans une autre roue. Donc, voilà, quand je vois ce que mange l'humain, c'est vrai qu'on pourra pas nourrir tous ces humains à manger autant. Mais la plante sauvage, elle est donnée. Donc là, je les ai accueillies, les plantes sauvages, dans mon jardin, parce que dehors, elles sont polluées. Donc voilà, du coup, je permets aussi aux plantes sauvages de redevenir abondantes, grandes, avec des graines qui sont de plus en plus fortes aussi, etc. Et la plante sauvage, c'est délicieux si on y réapprend à s'en servir, quoi. Mais je mange pas que ça. Je vais à la coop bio, j'achète. Voilà, je vis au milieu du monde, parmi le monde, et c'est pas très différent, mais un petit peu quand même. Pourquoi est-ce qu'on m'a envoyé te rencontrer, selon toi? Parce qu'il y a plein de gens qui parlent de ce truc, des carters, j'en sais rien. Voilà, c'est devenu. Parce que peut-être c'est pas la solution, mais c'est une des solutions du virage de planète, d'habiter différemment et de devenir des humains qui créent l'abondance, qui remettent. Je sais pas comment on peut dire. Voilà, c'est. D'être bonifiant, voilà, c'est ça l'idée de base, c'est que cette bonification passe par tous les humains, alors la planète ira bien, quoi. Et nous avec. Je minimise rien, tous mes gestes deviennent de plus en plus utiles. Voilà, il n'y a pas. Quand je lave mon linge, je le lave avec la cendre, alors j'arrose mon jardin. Chaque chose que je fais permet à la planète d'être plus contente. Voilà, il y a une petite clairière, il y a. Du coup, plein de fruits. Si j'étais pas là, ce serait que de la forêt. Voilà. Et parce que l'humain est là, on a des plantes plus sauvages, on a des plantes qui pousseraient pas que dans la forêt. On a une action à faire qui est, je sais pas comment expliquer, mais parce qu'on est là, la terre est encore plus belle. Mais parce qu'on est là, comment tu fais pour être joyeuse et optimiste? Parce que parce qu'on est là, on, c'est l'être humain. Quand tu vois ce qui se passe au niveau global, on peut pas dire que c'est parce qu'on est là que la planète elle est plus belle. Si, parce qu'il va bientôt faire l'écologie relationnelle, l'humain, il est en train de chercher là-dessus, il trouve pas très bien, mais n'importe quel humain, moi j'adore l'humain. Et je crois vraiment qu'il n'y a pas d'humain qui a envie de faire mal, il n'y a pas d'humain méchant, il n'y a que des fausses pistes, des fausses routes où on se perd un peu, mais tout le monde cherche à être content et heureux. Mais j'aimerais y croire, mais je trouve qu'il se fait déjà tellement de mal à lui-même, alors comment est-ce qu'en se faisant du mal à soi-même, on peut encore penser aux autres? Ouais, je sais pas, moi je veux. Depuis que je suis petite, je crois que voilà, tout le monde a une âme qui a envie de faire bien et un corps qui fait que des conneries. Parfois. J'ai l'optimisme maximum. J'en reviens à la simplicité, aux besoins qu'on va se créer. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu de ta vision des besoins? Quels sont les besoins réels de l'homme? Quels sont les besoins que tu matérialises dans ta vie quotidienne? D'avoir chaud, d'avoir à manger. Je pense que tout humain a besoin d'un endroit pour dormir et un endroit et de quoi manger. Mais ça, c'est pas difficile si tu sais manger les orties, la consoude et les plantes qui sont données déjà. Donc ça, c'est juste réapprendre, c'est pas difficile. Et avoir un toit. Et là, en ce moment, j'essaye de faire un travail sur les sans-logis parce que, enfin, avec les sans-logis, et j'essaye de faire entendre justement les carters. Et si quelqu'un m'entend là maintenant, ce serait trop bien. C'est-à-dire qu'il y a les carters, ça coûte presque rien, et il y a des gens qui vont mourir cet hiver encore de froid et ça, je supporte pas quoi. Il y a des voitures qui dorment dans les garages et des gens qui dorment dehors. Ça, c'est pas correct. Alors qu'on a des possibilités de construire maintenant. Donc, je suis en train de faire tout un travail sur la carter pour réapprendre aux gens à construire eux-mêmes aussi, parce que la dignité de construire sa maison, c'est pas rien. Donc voilà, il y a tout un travail sur le sans-logis. Pour moi, c'est la honte d'une société, des gens qui n'ont pas d'endroit pour dormir. Oui, l'essentiel, c'est manger et dormir. Après, tu te débrouilles. Après, ton corps va bien, quoi. Et ça, on doit garantir ça. C'est obligé. Donc c'est vrai que par rapport au carter, on n'en a pas parlé, mais toi, c'est de l'autoconstruction totale, quoi. Il n'y a pas eu besoin de formation, de compétences particulières. Donc l'idée, c'est une sorte de pâte à modeler et n'importe quelle énergie, n'importe quelle force peut faire. Même une femme peut construire sa maison, parce que jusque-là, les femmes ne construisaient pas les maisons. Alors de rien, tu veux une maison, mais c'est les hommes qui le faisaient. Et du coup, voilà, en tant que femme, je peux faire ma maison. Et là, sur un des stages que j'ai fait, il y a une dame qui avait 70 ans qui est partie direct faire sa carter après un stage. Et ça, je trouve ça magique. Un adolescent aussi. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a plus cette espèce de difficulté de construire la maison. C'était ça la magie d'inventer les carters. Donc la carter se propage un peu partout, là, j'ai l'impression. Je dirais, oui, c'est en train d'aller un peu partout. Mes filles sont en train d'en faire une en Tchéquie, là. Voilà, en République tchèque. Il y en a une copine qui est partie en faire une au Canada. Là, on m'en a demandé en Grèce, 4, etc. Il y a, oui, c'est en train de. Je sais pas. Voilà, je pense que ça devait se faire. Voilà. Ici dans ta carter, ok, t'as effectivement l'ordinateur, le téléphone, mais je vois pas de frigo, je vois pas de télévision. Comment tu fais On sans pourrait les ça? mettre, pourquoi pas? Chacun doit choisir ce qu'il a vraiment besoin. Si tu veux mettre un frigo, parce que tu peux pas te passer ton prison frigo, mais un frigo. Voilà, moi j'ai pas besoin, je mange pas des choses qui se perdent, je mange vivant tout ce qui est là et je vais pas le garder dans un endroit, tu vois, qui consomme tellement. Et puis voilà, puis c'est aussi la démarche de pas d'électricité. Ça fait 20 ans que j'en ai pas, donc voilà, si on n'est pas pour quelque chose, alors pourquoi l'acheter? Voilà, moi j'étais pas pour le nucléaire, alors j'ai jamais appuyé sur le bouton. Et tu fais comment alors pour l'énergie? Pour l'énergie, ben j'en ai, regarde, tu vois, je crois que j'en ai pas. Et tu cherches ton téléphone avec ça? Non, là, depuis peu, on a mis donc un. Parce que comme je développe l'entreprise Carter avec toute cette idée de donner un petit peu ce savoir, donc on est obligé de gagner un peu d'argent avec. Du coup, j'ai pris un portable que je branche sur un panneau solaire. Voilà. Et donc, mais je prends le minimum de ça parce que j'ai pas vraiment envie de jouer avec tout ça. Mais on peut aussi jouer avec ça. J'ai rien contre toutes ces choses, quoi. J'ai rien contre. Tout le monde dit aussi, oh, le plastique. Voilà, le plastique c'est une merveille. Voilà, moi j'arrête pas de dire ça exprès ici parce que voilà, le plastique c'est une super invention. C'est juste la manière qu'on l'a utilisé qui est grave, quoi. Comment tu fais, toi, pour gagner de l'argent? Combien tu dépenses? Quel est en... Parlons d'argent ensemble. Alors déjà, l'argent, c'est l'art des gens, si tu entends ce qu'il y a dans le mot argent. Et si on retrouve l'art des gens et créer de l'argent, c'est ce que je viens de te dire, dans les carters, c'est justement retrouver l'art des gens. C'est-à-dire que les gens qui adorent leur métier font des choses ici, tu vois, comme les portes, comme etc., comme les poteries, comme n'importe, où chacun fait l'art qui va faire de l'argent finalement. Et après, c'est juste un échange d'art des gens, de tout ce qu'on aime faire entre nous. Et voilà, toute l'idée de la carter et de ce qu'on est en train de développer avec plein de jeunes là, c'est que chacun fasse la chose, son art, sa chose qu'il adore. Moi, je dis spot de vie. Et du coup, bah, je vais lui payer parce que ça me fait trop plaisir qu'il fasse bien son travail. Voilà, après, notre façon de gagner notre vie en ce moment avec quelques jeunes ici, c'est d'organiser des stages où on donne notre art finalement de savoir-faire la carter. Et chaque personne paye 300 euros pour une semaine et au bout d'une semaine, il sait faire sa maison. Donc tout le monde s'y retrouve. La personne chez qui on va faire la carter achète les matériaux. Donc on va chez quelqu'un, cette personne achète les matériaux, donc ça lui coûte seulement les matériaux, la carter. On vient, on fait un stage avec 10 personnes qui payent 300 euros chacun. Et à la fin, ça me fait payer une personne qui s'occupe du stage, tout l'URSSAF et tout ce qui va avec. Et moi, ça me permet de vivre aussi. Voilà, et on a transformé l'argent en art des gens. La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les 2 mois.